Tu veux savoir qui on est? Qui on est? Tu veux savoir? Ouais. Tu veux savoir qui je suis? Je suis juste celui qui avance en cadence avec les battements de son cœur. Qui prend son mal en patience mais doit attendre son heure. Celui qui réfléchit mais jamais ne fléchit le genou. Qui dérive et déprime mais qui peut rire de tout. Je suis le Natty Dread de l'archipel des Dom Dom. Authentique, je revendique mon côté hors norme. Celui qu'on appelle le papa gâteau. Y'a toujours un tas de matos à ma môme dans mon sac à dos. Celui qui garde un œil ouvert et parle à cœur ouvert. À chaque fois dans un message à chaque sœur ou frère. Celui qui cause des tracas, choque ta maman, smoke ta maca. Un homme libre et ça, c'est pour mes sauces au placard. Tu veux savoir qui on est, si on pèse, où on vient, où on traîne, où on crèche, où on crèche. Tu veux savoir si nos rimes sont vraies, il faut que tu saches. On est juste nous-mêmes et on reste. On le reste. Tu veux savoir qui on est, si on pèse, si on pèse, où on vient, où on traîne, où on crèche. Tu veux savoir si nos rimes sont vraies, il faut que tu saches. On est juste nous-mêmes et on reste. Je suis comme la cocaïne pour un guédron, une bombe pour un métro. Mortel comme un flic raciste face à un négro. Nous sommes illégaux, les b-boys qui disent les mots. Je suis celui qui fait kiffer le flow et grille les scores. Je suis celui qui est hors norme, celui qui est chaud. Je m'appelle Chrono si tu veux me dire quelque chose. Je suis de la dream team, du millénium. Inutile de dire que je passe en prime team. Oublie les autres, les guerres ils disent M-S-I-E-O. Mais t'affoles pas, reste à ta place, même si t'es bonne. Qui est fort? Je le suis, tu me suis négro. Et je suis encore vivant, alors dis pas que le king est mort. Tu veux savoir qui on est, si on pèse, si où on vient, où on traîne, où on crèche. Tu veux savoir si nos rimes sont vraies, il faut que tu saches. On est juste nous-mêmes et on le reste. Reste. Tu veux savoir qui on est, si on pèse, si où on vient, où on traîne, où on crèche. Tu veux savoir si nos rimes sont vraies, il faut que tu saches. On est juste nous-mêmes et on le reste. Qui brille grâce à la rhétorique, celui qui te brûle avec le napalm terroriste. MC tout terrain comme un 4-4 Cherokee. C'est Nubi du. J'suis pas un vendu, bien entendu, j'suis un pur éduriste. Un jeune qui vise la réussite, un prototype. Pas de photocopie, j'suis original. Depuis qu'on m'a coupé le cordon ombilical, j'suis vrai de vrai. Tu le sais, refrain, c'est pas la peine d'assister. J'suis un leader, pas un suiveur ni un assisté. Kenzi sait que j'suis sa nouvelle planche à billets. Au secteur, on sort du bureau sans avoir besoin de se rhabiller. Sur le marché, y'a pas d'MC semblable. On est le duo de choc. Les b-boys qui représentent Phoebe ou Scott. Pas de discrimination, je suis celui qui tue au chrome. Je suis celui qu'il faut que t'écoutes sur ordo. Non, c'est leur danse en faisant le robot au smurf. Bref, je suis celui qui fait du son pour les refs, mec. Tu veux savoir qui on est?